Bonsoir, pour ce 12e épisode, je vous parle non pas de un, mais de deux articles. Un premier sur les emails, pour les rendre plus humains. Et le deuxième, comme vos emails seront plus humains, des astuces pour limiter les fautes d'orthographe. Alors, bonne écoute! Podcast du blog moptimize.com, je vais vous parler de life hacking, de développement personnel, de développement professionnel et de tech. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Moptimize. Aujourd'hui, deux petits articles que j'ai trouvés intéressants et qui sont sur des sujets relativement proches. Ce sont des articles en anglais, donc je vais vous résumer les points principaux des articles. Vous retrouverez dans les notes de l'émission les liens vers ces articles et également un petit résumé écrit. Les articles ont trait à nos écrits en général numériques. Donc le premier, qui sera discuté en deuxième dans le podcast, ça sera comment rendre les emails plus humains. Et je vais commencer par un autre article qui va essayer de vous aider à trouver vos fautes d'orthographe, vos fautes de grammaire dans ce que vous écrivez. Donc les quatre conseils qui sont décrits dans l'article sont les suivants. Le premier, lire à l'envers. Si on lit à l'endroit le texte qu'on a écrit, le cerveau a tendance à ne lire en ne reconnaissant que les dernières lettres du mot, de voir si la taille du mot correspond à ce qu'on s'attend. Mais si vous avez inversé des lettres à l'intérieur du mot, s'il manque des lettres où il y a des fautes comme ça d'orthographe, le cerveau ne va pas s'en rendre compte, parce que quand on lit, on a tendance quand même à lire relativement vite. Et donc le cerveau reconnaît la taille du mot, la forme du mot, la première et la dernière lettre, mais il va pas forcément s'attarder sur ce qu'il y a au milieu. Donc le cerveau a tendance à nous montrer ce qu'on s'attend à voir. En lisant à l'envers, on fait quelque chose qui est moins naturel. Quand je dis à l'envers, c'est mot par mot, je dis pas forcément lettre par lettre, mais au moins mot par mot. On lit pas d'une façon classique, et donc on va avoir besoin de beaucoup plus se concentrer sur ce qu'il y a. Donc c'est une technique, j'avoue, pas forcément très très classique et très habituelle, mais ça peut être une très bonne technique pour identifier les fautes d'orthographe. La deuxième astuce, c'est lire à voix haute. Quand on relit un texte dans sa tête, on a naturellement tendance à lire très très vite. Et donc, en lisant très vite, on va survoler les mots. Alors qu'en lisant à voix haute, on est obligé de ralentir, de se poser sur la vitesse de la voix. Et donc, on va beaucoup plus se concentrer sur chaque mot. Donc, c'est un bon moyen également pour se rendre compte des fautes d'orthographe, éventuellement des fautes de grammaire ou de fautes de liaison à l'oral. Le troisième point, y revenir plus tard. Quand on essaye de relire un texte juste après l'avoir écrit, on a tendance à garder à l'esprit ce qu'on était en train d'écrire, et comme précédemment, le cerveau nous montre ce qu'on voudrait voir, et pas la réalité de ce qu'on écrit. Donc ce qui est bien, c'est de laisser un petit peu de temps, de faire une autre activité et de revenir plus tard sur ce qu'on a écrit. Et comme ça, on aura un petit peu oublié ce qu'on voulait dire. Et donc on va lire le texte qu'on a écrit avec beaucoup plus d'attention, et on pourra trouver les fautes. Et la dernière astuce, qui peut éventuellement être liée à la précédente, sur un écran ou à l'impression, pensez à augmenter la taille du texte. Ça va vous aider à voir les fautes plus facilement. Si vous imprimez en taille 6, comme les conditions générales de vente, c'est-à-dire en tout petit, quand vous allez le relire, vous allez avoir tendance à vraiment survoler le texte, et donc vous ne verrez pas les fautes. Alors que si c'est écrit plus gros, que ça soit à l'écran ou à l'impression, Il y a moins de mots par ligne, moins de mots devant vous, donc vous aurez tendance à voir un petit peu plus, avoir un petit peu plus les fautes. Donc j'avoue que personnellement, j'utilise beaucoup la technique d'essayer d'y revenir plus tard. J'ai tendance à imprimer certains documents parce que je trouve qu'à la relecture c'est plus facile et plus agréable justement pour se rendre compte des fautes. Lire à voix haute, c'est une bonne chose. J'utilise pas très souvent, mais c'est quand même une bonne chose. Et le lire à l'envers va être quelque chose à essayer. Voilà les quatre astuces, conseils pour essayer de trouver les fautes dans les textes que vous écrivez. Et l'article suivant parle de rendre les emails plus humains. Donc il y a plusieurs points, mais un des points intéressants, c'est de commencer par une phrase de politesse. Donc là, le principe étant d'essayer de rendre un email plus humain, le but c'est d'interagir comme si vous étiez en face à face avec la personne. Et donc quand vous arrivez pour discuter avec quelqu'un, même si c'est pour un sujet professionnel, on commence par dire bonjour et éventuellement on commence par discuter de choses et d'autres pour se mettre à l'aise. Et les uns et les autres, avant d'aborder la question pour laquelle vous êtes venu voir la personne. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Commencez par une phrase de politesse, un email. Ça peut toujours être quelque chose d'agréable pour votre interlocuteur. Même chose. Imaginez que vous avez une conversation en face à face. Ça va changer un petit peu la façon d'écrire. Ça va peut-être éviter de faire un email trop formel. Quelque chose de formel, ça sera peut-être plus un courrier écrit ou une note de service ou voilà. Mais si vous voulez faire un email de façon efficace, faites-le avec un langage relativement classique et comme si vous aviez une conversation en face à face avec la personne. Le point suivant, réfléchissez et écoutez le ton de votre email. Donc c'est dans la même veine, le choix des mots, la mise en page que vous faites. Souvenez-vous que des mots en majuscules, c'est comme si vous étiez en train de crier. Donc vous réfléchissez bien avant de mettre des mots en majuscules. L'email, comme tous les écrits, c'est quelque chose où on peut pas moduler comme à l'oral le ton de la voix et la façon de parler. Donc comme on est sur un écrit, il faut vraiment faire attention à la façon dont on l'écrit, au ton abordé, pour que ça soit interprété de la bonne façon par votre destinataire. Je pense que ça nous est tous arrivé de recevoir un email, de pas forcément bien le prendre ou de le trouver désagréable, voilà, alors qu'il y avait aucune mauvaise intention derrière ça par la personne, mais ça arrive très très vite sur de l'écrit de mal interpréter la façon dont c'est écrit, parce qu'on n'a pas le ton de la personne, le ton de la voix pour moduler ce qui est écrit. Le point suivant, quand vous demandez quelque chose, donnez une raison. Il y avait eu des études scientifiques qui avaient été faites, ou une petite expérience, où quelqu'un essayait de passer devant tout le monde dans la file d'une photocopieuse ou quelque chose comme ça. Et il s'était rendu compte que les gens qui étaient dans la file avaient moins tendance à laisser la personne passer si elle demandait juste « Est-ce que je peux passer devant vous ?» que si la personne disait « Est-ce que je peux passer devant vous ?» parce que j'ai un rendez-vous dans 5 minutes ou j'ai une réunion dans 10 minutes. Donc en donnant une raison, ça donne une justification pour que la personne vous fasse la faveur que vous lui demandez. Donc essayez, quand vous demandez quelque chose, de donner la raison. Ça n'empêche pas de conserver les conseils de productivité ou des choses comme ça que j'avais déjà donné dans les emails. Commencez ou mettez très tôt dans votre email la demande exacte que vous avez à faire pour la personne de façon précise. Ça ne vous empêche pas derrière de faire un petit paragraphe explicatif de pourquoi vous faites la demande. Faites-le plutôt dans ce sens-là plutôt que dans l'autre, en donnant un gros paragraphe de pourquoi vous faites la demande et de faire ensuite la demande ou de la mettre au milieu, parce que là votre destinataire va avoir du mal à comprendre quelle est la demande. Donc identifiez, écrivez clairement la demande très vite dans l'email, donnez la justification ensuite. Et un des derniers points de l'article, c'est réfléchissez avant d'ajouter un destinataire. pensez si vous avez une conversation, une discussion par email avec quelqu'un. Un email, c'est un écrit. C'est un écrit qui peut être transféré à tout le monde et n'importe qui sans que vous soyez au courant. Donc, réfléchissez à avec qui vous discutez et vous partagez certaines informations, parce que ça peut très très bien être détourné, amplifié, transféré à tout le monde ou n'importe qui dans l'entreprise ou dans votre vie, dans les amis et voilà, ou sur Internet. Et de la même façon, quand vous discutez en privé, en face à face avec quelqu'un, s'il y a une troisième personne qui vient s'incruster dans la discussion, bah, selon le sujet de votre discussion, vous aurez tendance à changer un petit peu la façon dont vous parlez du sujet, ou vous allez carrément changer de sujet parce que vous n'êtes pas à l'aise de discuter de ça avec quelqu'un que vous connaissez pas forcément. Voilà. Donc, avant de rajouter quelqu'un dans une discussion, réfléchissez bien. Et éventuellement introduisez la personne dans la conversation en disant: je rajoute telle personne dans la conversation parce que il a telle compétence, il peut nous aider sur tel point de la discussion, sur tel point du projet. Et ça peut être bien également de faire une partie pour la personne que vous introduisez, pour lui résumer ce que vous avez déjà discuté avant, pour lui éviter de parcourir les 5-10 emails que vous avez déjà échangés avec votre destinataire. Et après, on en arrive un petit peu à la limite de l'email, qui est que dans certains cas, bah, l'email, c'est pas la meilleure façon de travailler ou pas le meilleur moyen de communication. Donc, quand vous commencez à échanger 5-10 emails avec quelqu'un, c'est peut-être qu'il est temps d'avoir une discussion téléphonique avec lui, une téléconférence, ou de faire une réunion face à face si vous êtes localement un peu plus près ou si c'est plus facile. Parce que l'email, ça reste un moyen de communication à l'écrit, et que des fois il y a des choses qui sont plus faciles à faire passer ou à comprendre à l'oral, en direct. Vous pouvez avoir plus un vrai échange plutôt qu'un ping-pong d'email qui sera pas forcément constructif, qui va prendre beaucoup de temps, le temps que chacun lise l'email, réfléchisse à la réponse, l'écrive. Et voilà. Donc voilà pour les deux articles que je voulais partager avec vous. Il y a des choses intéressantes sur optimiser sa façon d'identifier les fautes d'orthographe et de grammaire dans les documents, et améliorer ses emails pour les rendre un peu plus humains et pas avoir des emails automatiques et presque comme si on était un chatbot pour répondre à nos collègues ou à nos amis. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, selon quand vous écoutez le podcast. N'hésitez pas à venir partager vos astuces, vos conseils, vos optimisations sur tous les sujets, et notamment sur cela, sur les emails et sur les fautes d'orthographe. Donc il y a toujours le site moptimize.com. Vous pouvez commenter sur Spreaker, vous pouvez mettre des notes sur iTunes. Il y a une page Facebook Moptimize et le Twitter @Moptimize. Voilà, au revoir.